Le banquier ou de l'amour de Platon, traduction de Victor Cousin. Apollodore. Je crois que je ne suis pas mal préparé à vous faire le récit que vous me demandez, car il y a peu de jours, comme je revenais de ma maison de Falaire, un homme de ma connaissance, qui venait derrière moi, m'aperçut et m'appela de loin. « Eh, quoi ? » s'écria-t-il en badinant. « Un homme de Falaire, allait si vite ?» Je m'arrêtai et l'attendis. « Apollodore, me dit-il, je te cherchais justement pour te demander ce qui s'était passé chez Agathon, le jour que Socrate et Alcibiade y soupèrent. On dit que toute la conversation roula sur l'amour, et je mourais d'envie d'entendre ce qui s'était dit de part et d'autre sur cette matière. J'en ai bien su quelque chose par un homme à qui Phénix, fils de Philippe, avait raconté une partie de leur discours. Mais cet homme ne me disait rien de certain. Il m'apprit seulement que tu savais le détail de cet entretien. Conte-le-moi donc, je te prie. Aussi bien, c'est un devoir pour toi de faire connaître ce qu'a dit ton ami. Mais avant tout, dis-moi si tu étais présent à cette conversation. Il paraît bien, lui répondis-je, que ton homme ne t'a rien dit de certain, puisque tu parles de cette conversation comme d'une chose arrivée depuis peu, et comme si j'avais pu y être présent. Je le croyais. Comment, lui dis-je, Glaucon, ne sais-tu pas qu'il y a plusieurs années qu'Agathon n'a mis le pied dans Athènes? Pour moi, il n'y a pas encore 3 ans que je fréquente Socrate et que je m'attache à étudier toutes ses paroles et toutes ses actions. Avant ce temps-là, j'errais de côté et d'autre. Je croyais mener une vie raisonnable et j'étais le plus malheureux de tous les hommes, m'imaginant, comme tu fais maintenant, qu'il fallait s'occuper de toute autre chose plutôt que de philosophie. Allons, point de raillerie, dis-moi, quand eut lieu cette conversation? Nous étions bien jeunes, toi et moi. Ce fut dans le temps qu'Agathon remporta le prix avec sa première tragédie, et le lendemain du sacrifice d'action de grâce qu'il fit avec ses choristes. Tu parles de loin, mais de qui sais-tu ce qui fut dit dans cette assemblée? Est-ce de Socrate? Non, par Jupiter, lui dis-je. Je tiens ce que j'en sais de celui-là même qui l'a conté à Phénix. Je veux dire d'Aristodème de Cydathène, ce petit homme qui va toujours nu-pied. Il était présent, et c'était alors, à ce qu'il me semble, un des hommes qui était le plus épris de Socrate. J'ai quelquefois interrogé Socrate sur des choses que cet Aristodème m'avait racontées, et leur récit était d'accord. « Que tardes-tu donc, me dit Glaucon, à me raconter cet entretien? Pouvons-nous mieux employer le chemin qui nous reste d'ici à Athènes ?» J'y consentis, et nous causâmes de tout cela le long du chemin. C'est ce qui fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas mal préparé, et il ne tiendra qu'à vous d'entendre ce récit. Aussi bien, outre le profit que je trouve à parler ou à entendre parler de philosophie, il n'y a rien au monde où je prenne tant de plaisir, tout au contraire des autres discours. Je me meurs d'ennui quand je vous entends, vous autres riches et gens d'affaires, parlez de vos intérêts. Et je déplore votre aveuglement. Vous pensez faire merveille, et en vérité, vous ne faites rien de bon. Peut-être, vous aussi, de votre côté, me croyez-vous fort à plaindre, et vous avez bien raison de le croire. Mais moi, je ne crois pas que vous êtes à plaindre, j'en suis sûr. »